Hey, salut chers auditeurs, bienvenue à l'épisode numéro 45 de l'Heure Gamer Show 6 au micro et en ma compagnie aujourd'hui, en cet après-midi, pour faire changement, relax, peinard, comme ça, petit show intime, moi et l'ami Jean-François Tremblay. Comment ça va Jean-François? Allô, ça va très bien. C'est un petit peu triste, hein? On est comme tout seul, puis c'est pas le fait qu'on soit seul qui est triste, c'est le fait que je t'ouvre la porte, je te donne une grosse opportunité. J'ai dit, Crime, on va faire de quoi que j'y promets depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle, qu'on va faire un show musical. Ça va être malade, puis il va être. Puis, ben, il n'y a plus personne, à part nous deux. Fuck you, le reste de la gang. Fuck you. C'est là qu'on voit c'est qui les vrais. Mais, ouais. En tout cas. Non, on voit c'est qui a rien à faire de journée. Oui, c'est ça. L'après-midi. C'est ça, qui travaille pas à 1h30 de l'après-midi. Ceci dit. Avant de commencer, parce que oui, ça va être ton show, ça va être un show sur les musicals. Mm-hmm. T'as choisi les films. Mais avant tout ça, je voulais faire un gros shout-out à un de nos auditeurs. On se rappelle au dernier show, j'avais fait un appel à tous parce que bon, le site était planté. Il y avait beaucoup de misère. Puis écoute, c'était pratiquement irrécupérable ce qui arrivait. On a été infecté par quelque chose d'assez mauvais puis d'assez bad. Puis mon hébergeur m'offrait de régler le problème. Ça m'aurait coûté un bras. Tu sais, de la grosse argent que j'avais pas. Et puis c'était un peu mettre Horror Gamer en péril. Parce que dans la mesure où on n'avait plus de site web, plus rien pour. C'était pas juste le feed. Là, on se ramassait qu'on n'avait plus d'archives, on n'avait plus rien. J'étais un petit peu en mode panique. Et puis, ben, il y a l'ami Stéphane Poulin que. Auditeur depuis day one, vraiment cool le gars, il a écrit des critiques sur le site, il a gagné le premier prix qu'on a fait tirer il y a quelques années, un cadeau de Noël que j'ai remis presque 6 mois en retard, mais bon, c'est lui qui l'a gagné. Puis lui, Stéphane, il est arrivé, puis oh, je connais pas trop ça, mais je peux jeter un coup d'œil. Mon œil, je connais pas trop ça, il nous a tout réglé ça, il a travaillé comme un vrai donné. Pendant 2 bonnes semaines à tout régler ça, moi j'ai capoté mes rêves. Fait que je voulais juste te faire un gros merci, Stéphane. Toute l'équipe d'Horror Gamer, t'en doute toute une. Et puis tous les auditeurs aussi, parce que c'est ça, ça a failli faire ben mal cette histoire-là. Puis t'as tout réglé ça comme un champion. Ouais, attends un peu, j'ai quelque chose. Oh. Malade. Un soundboard. Regarde. Pour une fois, on se parle en vidéo, j'en ai un juste à côté de moi, ben je te le montre. J'en ai un juste à côté de moi, un soundboard, puis je m'en sers même pas, là, vois-tu. Fuck, c'est même pas la bonne webcam. En tout cas, tout ça pour dire que... C'est un soundboard de Google Hangout, là. Ok. J'ai jamais essayé. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Stéphane. Et merci à tous les autres auditeurs, parce que, ben, personne ne se prend en prenant des auditeurs pour faire ce show-là. Ceci dit... Musical, explique-moi donc, toi, Jean-François, parce que bon, je sais que t'aimes ça, mais tu dois avoir une histoire en dehors là, de qu'est-ce qu'on sait par rapport aux comédies musicales. Ça serait long à expliquer, mais je pense que ça vient en partie de. Je dirais que c'est Thriller de Michael Jackson. Faire une histoire courte, là. J'ai vu ça, j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans, puis je pense que ça a fait en sorte que j'ai trippé tout de suite. J'ai voulu voir des films d'horreur. Ça a pris un certain temps avant que j'en voie vraiment beaucoup là. Mais c'est ça, j'étais trop jeune. Mais c'est ça. Puis de voir du monde danser puis tout, ça me plaisait automatiquement. Puis je peux pas expliquer vraiment pourquoi. On peut pas vraiment expliquer les goûts. Puis mais sinon, moi j'ai tout le temps aimé ça, les comédies musicales, que ce soit n'importe quoi là, Gene Kelly, Fred Astaire ou peu importe là. Puis les films de danse, dès que ça chante dans un film. Même des films où il y a juste une ou deux chansons, comme j'ai parlé récemment avec Steven dans un autre podcast des Trois Amigos, il y a 3 tunes là-dedans, mais moi, c'est c'est ça, 3 tunes, c'est mes bouts préférés du film, tu sais. Il y a des films comme ça, je me rappelle du Mariage de mon meilleur ami, c'est une comédie romantique poche des années 90, ben pas poche, là, mais il y avait genre 2-3 tunes là-dedans, c'était mes bouts préférés aussi, tu sais. À chaque fois qu'il y a une tune dans un film, quand c'est bien fait, c'est mes bouts préférés, tu sais. Mais je peux pas vraiment expliquer pourquoi. Dès qu'il y a de la musique, mais ça me parle. Moi, tu me parles des Trois Amigos, puis je vois juste le cheval qui chante, puis c'est ça, c'est mon bout du film. Complètement random comme ça. Vas-y donc, tiens, si tu nous présentais les films, puis après ça, petite pause, puis on va commencer. Écoute, on est tout seul, on va faire ça. Parfait. Fait que j'ai choisi Phantom of the Paradise de Brian De Palma, 1975, qui est un film que je considère un classique. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu, mais je l'ai toujours bien aimé, fait que j'avais hâte de le revisiter. Puis un autre que j'ai j'avais jamais vu jusqu'à date, jusqu'à présent, puis que je n'étais pas sûr si j'allais aimer ça ou pas, puis je me suis dit, je vais en profiter du podcast pour le regarder. C'est Sweeney Todd de Tim Burton. J'en avais comme ma claque de Tim Burton déjà en 2007, fait que quand c'est sorti, fait que j'avais pas vraiment envie de le voir. Pourtant, j'ai vu plusieurs autres de ses films, même après ça. Je sais pas pourquoi, j'ai hésité avec Sweeney Todd, puis pourtant, c'est un film musical, fait qu'il y avait aucune raison, mais j'ai juste pas voulu le voir à l'époque, puis là, ben, c'est fait qu'on va reparler. Excellent, ça. Fait que le temps d'un jiggle, puis on revient avec Phantom of the Paradise. Alors, Phantom of the Paradise, film de 1975, réalisé par Brian De Palma, qui met en vedette William Finley, Paul Williams, qui est aussi le compositeur du film, je crois, et Jessica Harper. Ça raconte l'histoire de Winslow Leach, compositeur de talent, qui se fait aborder par la célèbre maison de production Death Records. Il n'y a pas un label rap qui s'appelle de même. Ah non, c'est Death Row. Shame on me, je connais ça. Afin que sa musique soit celle de l'ouverture du Paradise, la salle de concert colossale que Swan, le mystérieux directeur de Death Records, vient de faire construire. Winslow pense être le seul à pouvoir chanter la cantate de 300 pages qu'il a écrite, mais Swan est convaincu du manque de charisme de celui-ci et décide de voler les partitions qui l'intéressent. C'est pas grave, je lis ça de Wikipédia, hein, pas du tout, du tout, du tout. il rencontra une jeune candidate nommée Phoenix, dont la voix fera immédiatement tomber sous son charme et n'arrivera pas à revendiquer la paternité de sa musique. Il se fait emprisonner suite à un complot diabolique du producteur et, rongé par la rancœur, décide de s'évader et d'organiser un attentat contre Death Records. Malheureusement, celui-ci tourne mal et Winslow se trouve défiguré, bien étampé dans une presse à vinyle qui, j'ai cru comprendre, était une vraie presse à vinyle. Et cachant son visage affreux sous un masque, il retourne au Paradise afin d'y... Il est marqué « Fomenter sa vengeance ». Est-ce que « Fomenter » existe vraiment? Je pense que oui. OK. Excusez mon inquiétude. En gros, là, c'est l'histoire du fantôme de l'opéra, mais on remplace l'opéra par un nightclub qui s'appelle le Paradise. Alors... Ça, puis Faust aussi, qui vend son âme oui, au diable. Oui, oui, Faust, et ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce film-là d'idées, ben pas d'idées, mais d'hommages et d'emprunts dans plein de choses, mais ça, on y reviendra. Vas-y donc avec ton histoire avec Phantom of the Paradise. Ah, ben j'ai pas une si grande histoire que ça. Je sais pas quand est-ce que je suis tombé là-dessus. Encore là, c'est parce que je suis amateur de films musicaux, fait que j'ai dû le voir à travers d'autres affaires quand je découvrais ces films-là. Surtout les films de cette époque-là avec Tommy de Ken Russell, où c'est tout sorti dans le même temps, Rocky Horror Picture Show, puis tout ça, fait que je sais pas, je suis vraiment pas quand est-ce que je l'ai vu la première fois, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ça, puis là je l'ai revu pour le podcast, puis encore là j'ai vraiment trippé. C'est un film tellement inventif, tellement efficace, tellement c'est sûr que comme tu dis, ça emprunte à plein de choses, puis Brian De Palma il est connu pour emprunter beaucoup à Hitchcock entre autres, mais c'est ça, j'aime tellement son style puis son rythme, puis l'inventivité visuelle puis la musique, tout ça, t'sais, les acteurs aussi. L'acteur principal, je l'ai jamais vu dans d'autres choses. Ben, je sais qu'il a fait d'autres films, mais je me souviens pas vraiment de lui. Ouais, il y a pas beaucoup de crédits. J'ai regardé ça avant le show, justement, j'ai regardé son IMDb, puis il y a pas beaucoup de crédits. Ben, en tout cas, des choses que moi, je connais pas, que tu connais sûrement, mais moi, ça me disait rien. Ben, je veux dire, je viens de regarder sur IMDb, il y a genre Fun House de Toby Hooper, des trucs comme ça. Ouais. Je me souviens pas de lui. Mais il y a une face qui, je sais pas, ça fit avec, dans ce film-là, ça marche, là, tu sais, je sais pas, j'arrive pas à... Ben, continue, parce que... Vas-y, parce que je sais pas quoi dire, mais... On peut juste jaser en... Ouais, ben on va faire ça à bonne franquette, on est quand même juste deux. La référence que je cherchais tantôt, que j'avais sur le bout des lèvres, c'était le portrait de Dorian Gray. En réalité, oui, justement, le portrait qui... Celui qui a un portrait qui vieillit à sa place. Bon, on retrouve la même histoire avec Swan et les tapes de surveillance du Paradise. Moi, mon histoire avec Phantom, c'est curieux parce que c'est un film qui, quand j'étais très jeune, passait beaucoup à la télé régulière. Parce que je me rappelle avoir vu ça à la maison très jeune, là, chez mes parents. Et puis, j'étais un petit peu... Je peux presque dire terrorisé par le masque, et je me rappelle de Swan, justement, quand la scène où ce qui vieillit tout d'un coup. Tout ça m'avait marqué, mais je me rappelais vraiment pas du film. C'est récemment, Au tout début, je pense, de l'Horror Gamer Show, que j'ai remis la main sur Phantom of the Paradise, puis que j'ai réécouté ça, puis j'ai réalisé à quel point c'est un fucking de bon film. Mais un très bon film, un solide de bon film. La trame sonore de ça, tu sais, écoute, on parle d'un musical, la trame sonore de ça, je pourrais l'écouter all day, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, c'est vraiment très très bon. Et puis, Beef, man. Beef, que dire? Beef. Ouais. Beef. Ce personnage-là, c'est comme... Ah, oh, wow, c'est génial! Écoute, il n'y a pas beaucoup de personnages auxquels je m'attache autant que Beef dans Phantom of the Paradise. C'est quelque chose. C'est non, je me rappelais du personnage, mais je ne me rappelais pas qu'il était aussi efféminé que ça. C'est... ben, tu sais, en même temps, c'est une brute efféminée. Tu sais, avec l'époque, ça peut fuiter. J'aime bien aussi, avec Beef, justement, c'est son espèce de la scène à laquelle il guérit quand il fait le premier show du Paradise. C'était vraiment bon. Tout, le Phantom of the Paradise. Je pense que c'est Steven, à un moment donné, qui s'était échappé et qui avait osé dire le meilleur de Palma. Puis on avait comme été presque choqué. Puis sais-tu quoi? Plus j'y pense, plus que je pense que je suis d'accord avec ça. Je suis pas un grand fan des films de gangsters de Palma, je l'ai déjà dit. Mais j'aime bien son carry. J'aime bien une couple de ses trucs. Mais je pense que Phantom of the Paradise, c'est mon préféré. Puis plus j'y pense... Ça fait trop longtemps que j'ai vu The Untouchables, mais... c'est un lien que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, ça. Ouais, mais on dirait qu'il n'y a pas le... Quel autre que tu pensais quand tu dis film de gangster? Quel autre tu pensais? Ouais, Scarface. C'est le premier qui me passe par la tête. Ah, je l'ai jamais vu. Ouais, tu manques pas... Ouais. Non, sacrilège, j'allais dire tu manques pas grand-chose, mais je pense que je dois être le seul sur la planète qui en a rien à battre de Scarface. Mais, j'ai vu l'original des années 30, mais j'ai pas vu de celui-là. Tu sais, je savais même pas qu'il y avait un original. Mais le fun, le party que c'est, ce film-là. Écoute, la scène finale, tu regardes ça, c'est un mindfuck total. C'est un party, je suis dedans, puis j'ai le goût de crier. Puis de voir ça, c'est tellement surréaliste, puis le fun, c'est trippant. Tout est cool dans ça. Une de mes scènes préférées reste celle de la bombe dans le char. Oui. Ça, c'est un principe vraiment à la Hitchcock, là, de placer la bombe, puis qu'on voit la placer tout de suite au début de la scène, puis là, tout le long de la scène, ça se déroule, tu sais pas quand est-ce qu'elle va sauter, puis tu sais qu'elle va sauter, puis t'as du suspense pendant 2-3 minutes, là, ou 4-5 minutes, tu sais. Puis t'as deux caméras, tu sais, ben, plusieurs caméras, mais t'as deux écrans, split screen. Là, puis, Ouais, ben ça, c'est du dépalement, encore une fois, le fameux split screen. Mais j'aurais de la misère à donner une scène préférée parce que tu sais, en le réécoutant là pour le show, ce qui m'a marqué, je pense, c'est vraiment plus l'aspect musical de la show. Au début de tout, quand le Winslow, comme tel, la première fois qu'il est assis seul au piano et qu'il va faire son audition au club, c'est tellement bon ce qu'il joue. c'est malade, c'est de la super de bonne musique, puis ça y fait. Là. Fait que tu sais, en partant, j'écoute ça, je veux ce disque-là, drette là. Fait que ça m'accroche pour le reste du show. Puis ça marche parce qu'on est supposé croire que Swan va triper sur la musique de ce gars-là, tu sais, fait que ça marche à fond, là. Est-ce que je suis fou de voir voir en Swan une espèce de Axl Rose efféminé qui a mal vieilli? Physiquement, tu parles, oui. Ouais, je sais pas pourquoi, je trouve ça étrange, mais en tout cas. Il n'a jamais été beau, Paul Williams, tout le temps. Il a encore l'air de ça, là, tu sais. J'ai plus les cheveux longs, là, mais il a encore l'air de ça. Ouais, j'ai vu récemment. bon. Écoute, je pourrais vénérer ce film-là pendant des heures, sérieusement. Je pense que j'ai rien de bad à dire là-dessus. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Peut-être un petit peu trop rampant à Darth Vader pour le costume du fantôme, ma part de ça. Là. Surtout avec la pose de la voix, là, l'espèce de moniteur qu'il y a sur le chest, là, ça fait très Darth Vader, mais à part de ça. C'est génial, c'est juste génial. Il faut que je dise que j'aime beaucoup Jessica Harper là-dedans, je la trouve charmante. Ouais, ben elle est bonne dans tout, là. C'est... Ouais, dans Suspiria, puis dans tout ce qu'elle a fait, là, puis faut que je la mentionne aussi dans Shock Treatment, comme la suite de Rocky Horror Picture Show, elle chante là-dedans aussi, puis je trouve qu'elle a tellement une belle voix, un beau thème de voix, là, qui est quand même assez grave, là, mais... Quand elle fait son audition, elle déchire, là, total, là, c'est vraiment bon. Ah oh, non. C'est qu'est-ce qu'il y aurait vraiment de négatif là-dedans, je sais pas, là, peut-être... Ben, je sais pas, en fait. L'utilisation du split screen, c'est bon. Le rythme est bon aussi, les acteurs sont tous... fait tout dans leur rôle. Ah, oui. Puis moi, j'aime vraiment ça, les plans de caméra, quand tu vois chose vouloir rentrer, comment est-ce que ça s'appelle, Winslow, rentrer dans la compagnie de disques, là, puis t'as l'impression que les couloirs, les murs sont super hauts, les plafonds, puis tout, c'est les angles, les points de vue, tout ça, c'est super, Les prises de vue, là, c'est super trippant. Là. Les décors, le set est majestueux. Là. Pas juste quand on parle de la scène, le show qu'ils font justement au Paradise, déjà là, c'est très, très, très impressionnant. C'est un show que je voudrais tellement voir live. Mais tout, justement, qu'est-ce qui est. Rien que le petit local où ce qui est Winslow, là, emmuré pour écrire ses trucs, c'est de toute beauté. Les couleurs sont hallucinantes. Puis tous les locales autour, c'est presque tout filmé en contre-plongée, ce qui donne une immensité à la chose. C'est du surréaliste à pu finir. Puis ça en est divertissant. Justement, comme tu dis, le rythme est bon, le rythme est toujours soutenu, puis t'as toujours du high candy, si on veut. Fait que c'est pour ça que jamais une maudite seconde, tu peux détourner le regard de la télé en regardant ça. Puis c'est ce qui en fait un si bon film, selon moi. Ah, c'est une mise en scène très maîtrisée. Est-ce qu'on peut dire que le propos est un peu simpliste, tu sais, de cette petite histoire de diable qui veut acheter des armes ou, tu sais, qui... Oui, mais en même temps, c'est efficace, tu sais. Je veux dire, j'aime mieux avoir ce petit propos simpliste-là, qu'on sait déjà où ce que ça s'en va. Quoique, vois-tu, regarde, en ayant une idée aussi simpliste que ça, ça fait que la finale est plus punchée un peu. Tu sais, quand on a notre fin, là, comment tout se finit en gros bordel, ça donne beaucoup d'impact à ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir un petit peu plus de profondeur au niveau du scénario, mais je pense pas que ça aurait vraiment changé. Pour le mieux. Mais ça reste que c'est un film qui est quand même bien vieilli, je pense. Puis je sais pas comment est-ce qu'un jeune mettons 15-20 ans le percevrait, là, tu sais, de nos jours, mais je pense que ça a quand même bien vieilli. Là. C'est kitsch, là, c'est super kitsch, c'est très, très, très de son époque, là, la musique, tout, les costumes, tout ça, là, mais je sais pas, je me demande comment est-ce que quelqu'un le verrait, là, s'il le verrait pour la première fois en 2015, là. Mais je pense que c'est tellement extravagant que ça peut bien passer. T'sais, on le dit, tout est gros, tout est, t'sais, le personnage de Beef, là, quand tu vois ça arriver, il est tellement over the top, t'sais, la passe du cercueil, c'est... Voyons, là, comment c'est tellement drôle. Ça a tellement pas de sens en même temps que c'est ce qui fait c'est génial. C'est du bon kitsch, c'est du kitsch de son époque, tu sais, puis ça représente l'époque, tu sais, un peu comme Rocky Horror, ça sera pas vraiment indémodable, même si c'est complètement, même si tout dans le film est démodé, ça reste un film qui représente son époque, comme Phantom of the Paradise, je trouve, qui représente exactement 1974, 1975, tu sais. C'est ancré là-dedans, tu sais. Il y a des films qui ont pas mal plus mal vieilli que ça, puis qui sont plus jeunes que ça, tu sais, qui sont des années 90, mais qui ont mal vieilli, ou des films des années 80 qui ont très mal vieilli, tandis que lui, il représente tellement son époque qu'il est comme immortel, tu sais, le film. C'est ça, c'est presque une caricature du temps, ce qui fait que ça passe bien, je sais pas. Parce que, tu sais, c'est ça, il y a bien des films, comme tu dis, qui vieillissent pas bien, mais qui sont pas autant imprégnés de leur date. En tout cas, je m'en vais dans un délire. Ouais. Je suis peut-être le seul. Non, mais c'est ça. trop de café puis trop de bonheur. Là, t'sais. C'est rare qu'on enregistre que je suis pas sous. Là, fait que je commence à avoir des idées. C'est vraiment étrange. J'aime les Juicy Fruits. Mais toutes les phases des Juicy Fruits, parce qu'on les voit vraiment, ils ont plusieurs phases. Ah, mais non, c'est vrai, t'as raison. Le début. Du côté années 50, là. Moi, je ça me bat à la fin, là, l'espèce de pseudo-goth étrange. Mais c'est le fun comme film, justement. Ça a été fait justement au milieu des années 70, puis ça montre l'évolution un peu de la musique. Ça a vite changé les années 70, tu sais. Puis il y a eu ce mouvement-là, sans vouloir faire l'historien, quoi que ce soit. Je suis pas si connaisseur que ça, mais tu sais, quand tu penses à Grease, la comédie musicale Grease, ça a été créé genre en 71 ou 72. Il y avait un mouvement de nostalgie pour les années 50. Puis t'avais le groupe Shanana aussi qui apparaît dans le film Grease en 78, mais qui eux autres, ils ont fait leur carrière, c'était vraiment juste des tunes des années 50, puis eux autres, c'était un groupe des années 70. Et pendant 10-15 ans, jusqu'aux années 80, ils ont fait juste des films. Ils s'habillaient, tu sais, avec les coiffures, avec du gras dans les cheveux, puis tout, puis des frocs de cuir, puis ils chantaient des tunes des années 50. Fait que c'était exactement comme les Juicy Fruits, dans le fond, comme le début des Juicy Fruits, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que le film représente bien ça. Plus t'évolues dans le film, plus t'avances, plus t'arrives justement au côté goth, le glitter rock ou je sais pas trop quoi, là, qui a eu plus au milieu des 70, puis vers où ça s'en allait. Là, c'est ça. En gros, c'est peut-être 10 ans avant toute la carrière de David Bowie. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est génial. Mais en même temps... ça, tu dis que ça reflète un peu l'histoire justement simpliste du gros méchant producteur qui vole l'artiste aussi. Oui, c'est simpliste, mais c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins actuel, qui reflète bien tu sais, qui a quand même un message, pas nécessairement un message critique, mais qui a quand même quelque chose à dire au travers de ça. Oui, c'est simplesse, mais oui, c'est quand même vrai. Oui, c'est des histoires qui sont arrivées des tonnes et des tonnes de fois. Et puis, tu sais, ça rajoute un petit quelque chose. C'est pas... J'espère que ça arrive moins. J'espère que ça arrive moins. Je m'excuse d'avoir coupé. J'espère que ça arrive moins parce qu'à ce temps, les artistes peuvent se produire eux-mêmes puis se distribuer eux-mêmes. Fait que... Ouais, mais tu sais, aujourd'hui... Ça dépend de ça. Si on parle, mettons, de la musique pop aujourd'hui, c'est les producteurs construisent leurs artistes. Fait que c'est une autre mentalité. La saga Beyoncé Kanye West des derniers awards, là, moi j'en reviens toujours non, pas. Non, c'est ça. Mais tu peux être un petit groupe dans ton garage puis envoyer ton album sur Bandcamp puis le vendre par toi-même. Tu sais. Ouais. C'est ce qui fait que l'industrie de la musique, malgré ce que tout le monde peut en dire, survit. Moi, mon humble avis, puis c'est ce qui fait que l'industrie du cinéma a beaucoup de misère, qui devrait en tout cas peut-être emprunter les mêmes directives au niveau des productions. Mais ça, je m'éloigne. C'est à force d'entendre Adam Green pleurer que je suis comme un peu blasé. Fait que si on en revient au bon vieux Phantom of the Paradise. Oui. On a-tu fait le tour déjà? On est juste deux, on n'a pas tant d'autres opinions que ça. On a aimé ça tous les deux. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça trouver quelque chose de plate à dire, là, faire semblant que je suis un critique sérieux, mais non, fuck off, j'aime trop ça. J'ai comme choisi une valeur sûre, tu sais. On sait que c'est un classique, on dit au monde d'aller le voir, puis si vous l'avez pas déjà vu, tu sais, fait que... Ben moi, en même temps, quand je te donnais le choix, je croisais les doigts derrière le dos, je voulais que tu choisisses Repo. Parce que tu connais mon amour pour Repo de Janet. Puis sais-tu quoi, je pense que j'aime... En ayant réécouté Phantom of Paradise, je pense que Repo est tombé deuxième en bas de Phantom tellement que j'ai aimé réécouter ça. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez vous procurer une copie, les excellents messieurs de Scream Factory ont sorti une superbe édition de Phantom of Paradise. Il n'aura jamais été aussi beau, puis il n'aura jamais sonné aussi bien. Donc, ça vaut franchement le coup. Mais c'est ça, en choisissant Phantom, tu m'as comme... T'as comme fucké mon top, là. Repo rendu deuxième, j'aime encore ça. Mais, on va en faire un autre épisode musical. Attends, quand Devil's Carnival 2 va sortir, on fera Repo puis Devil's Carnival 1. Ah, là tu me gardes, parce que je sais que t'as pas encore vu Devil's Carnival. Non, pas encore. Ah, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que ça... Mais le 2, il sort cette année, je pense, je suis pas sûr, mais... Je sais pas, je sais qu'il est en post, il présentement. Ouais, c'est ça. Mais... Ouais. Ça, c'est clair. Hein, moi. Écoute, j'étais presque surpris d'avoir vu un musical que t'avais pas vu en t'annonçant que j'avais vu Devil's Carnival, que j'étais aimé d'ailleurs. Mais je suis pas... Vas-y. Juste pour revenir deux secondes sur les choix que j'avais, ils sont pas énormes. On dit qu'il y en a eu... Je me souviens plus si j'ai vu ça, c'est peut-être dans une discussion qu'on a eu entre la gang de Rock Gamer sur Facebook, mais Nick disait qu'il y avait pas mal de choix, mais il n'y a pas tant de choix que ça, tu sais, t'as Rocky Horror, t'as Poultry Guys, t'as Repo, t'as Phantom, t'as Sweeney Todd, à part ça, Cannibal the Musical, tu sais, j'allais nommer celle-là que je l'ai pas vu. Moi non plus, Cannibal, je l'ai pas vu. Qui, quoi d'autre, tu sais, il n'y a pas tant de films que ça, les comédies musicales d'horreur. Little Shop of Horrors, j'oubliais. Ouais, d'ailleurs... Grâce à l'ami Dominique Paulus de Horror Web, je me suis acheté la dernière édition Blu-ray de Warner. Ouais, puis, aussi. Avec la fin alternative et tout, là, depuis, je ne veux plus rien savoir de la fin originale. Ben non, c'est ça. T'sais. C'est malade. Quand tu vois le travail qu'ils ont mis dans la fin. Là, Pourquoi couper ça? C'était fou, c'était vraiment... Ça a dû briser le cœur à tellement de monde qui ont travaillé là-dessus. Ah. Les maquettes, tout ça. Là. Écoute, tu connais mon amour pour les films de monstres. Là, ah, là tu tombes direct dans mes cordes. Là. C'est génial. Hey, t'avais-tu pensé à une toune à mettre? Parce que là, on va en mettre de la toune, il faut meubler ça chaud, là, on est juste deux. Non, j'ai pas pensé. Comme c'est un film musical, on peut en prendre une du film ou on peut prendre d'autres choses. Là. Ouais, ben j'aurais... Oui, surtout pour ça, c'est clair que j'en mettrais une du film. Écoute, je sais pas si tu les connais, moi je les ai toutes devant moi, mais ils me disent rien. Là. Au pire, je m'occuperai de ça au montage. C'est beau. Excellent. Fait que, ben écoute, après la tourne, on va revenir avec Sweeney Todd, tiens. Life at last, salutations from the other side. I can see that you're the devil's pride. Do you realize that all you've done is some harm? For you hated that was part of you. I'm your nightmares coming true. Life at last, sit and listen while the fun begins. hearts are broken and the bad guys win. Sit and listen, all the cutting up is easy and the ceiling for a queasy or a weaker heart. Bon, on est de retour avec Sweeney Todd, le film de Tim Burton de 2007, excusez. Et donc, c'est inspiré de la comédie musicale de Stephen Sondheim de 1979, qui elle-même est inspirée du mythe de Sweeney Todd, qui, selon Wikipédia, a été publié pour la première fois dans un Penny Dreadful, un petit roman de 1846. Il y a eu plusieurs adaptations au fil des années, tout ça. Donc, le film de Tim Burton met en vedette Johnny Depp, dans le rôle principal de Sweeney Todd, Helena Bonham Carter, Alan Rickman et plusieurs autres acteurs. Et donc, c'est l'histoire d'un barbier à Londres qui, du nom de Benjamin Barker, qui a changé d'identité, qui maintenant s'appelle Sweeney Todd, qui a fait de la prison pendant plusieurs années, je pense, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Puis, c'est ce que j'ai compris en tout cas au début. Puis, il apprend que sa femme est morte, puis sa fille a été enlevée et adoptée par son ennemi juré qui est le juge Turpin, qui est joué par Alan Rickman. Et dans le fond, lui, il veut se venger de ce gars-là parce que c'est à cause de lui que sa femme est morte, tout ça. Puis ben, il va se starter une business de barbier puis s'organiser pour tuer son ennemi. Et c'est à peu près ça. On va en parler plus puis on va... je sais pas trop comment je veux pas trop en dire non plus, mais... Un barbier qui est pas mal méchant. Le Demon méchant. Barber, on dit quand même. Allez, moi, j'ai... Mais Vas-y. J'allais juste rajouter qu'Helena Bonham Carter, elle joue un personnage qui s'appelle Madame Lovette, elle fait des tartes à viande, puis sa business est juste en dessous du salon de barbier, puis ben, en fait, ils sont associés tous les deux, puis c'est une association plutôt macabre, moi. Ouais, à la Albert Fish. j'ai une drôle d'histoire avec Sweeney Todd. Tu m'apprends tout ça d'ailleurs, que c'est inspiré de vieux trucs et qu'il y a déjà eu une autre comédie musicale. Je pensais que c'était du 100% original. Puis après ça, je me suis rappelé que c'était du Tim Burton. Fait que j'ai ravalé ce que je disais. Non, je dis ça, puis je ne suis pas un de ces haters de Tim Burton. Moi, pour moi, c'est 50-50. Ce qu'il a fait, puis que j'ai aimé, j'ai adoré. Puis ce qu'il a fait, que j'ai pas aimé, j'ai détesté. Fait que tu sais, j'ai pas de préavis sur Tim Burton. Ce qui est arrivé, par exemple, dans le cas de Sweeney Todd, c'est que c'est arrivé à un moment en 2007 où, disons que la culture cinématographique était très, très, très différente. Pour moi, une comédie musicale, je m'excuse Jean-François, mais c'était un peu cucu. Dans ma tête, c'était La Mélodie du Bonheur et c'était Annie. C'est ce que je connaissais des comédies musicales, donc je voulais fucking rien savoir de ça. T'sais, encore aujourd'hui, je vais t'avouer que La Mélodie du Bonheur, ça passe pas. Mais t'sais, je pensais que c'était limité à ça. Donc, même ayant vu Phantom of the Paradise plus jeune, t'sais, c'était des souvenirs très, très vagues dans ma tête, puis c'était pas quelque chose de bon. Fait que... C'est ma copine de l'époque qui, je pense, avait soit un crush sur Johnny Depp ou les films de Tim Burton, je me souviens plus, qui avait loué ça, puis ça l'a ouvert mon esprit. Ça a comme fait « Wow, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? » De un, j'ai été frappé par l'esthétique, l'espèce de... Ben, c'est ça, là, vraiment le gros côté Tim Burton-esque, là, la saturation de ce film-là, puis le gros accent sur les rouges, les dorés, tout est noir. Tu sais, ça frappe, là. L'esthétique de ça, c'est vraiment génial. J'ai aimé un Johnny Depp qui joue autre chose qu'un Jack Sparrow là, en ça, parce que honnêtement, je ne suis pas non plus un tir vendu à Johnny Depp, quoique je le déteste pas, mais tu sais, il est original dans ça. J'ai adoré le personnage d'Alan Rickman. Non, j'aime les personnages, j'aime l'histoire. L'histoire est super bien, même si ça se trouve être un peu une grosse romance. Mais je vais l'avouer, c'est, l'histoire est bonne, c'est creepy as fuck. Il y a du bon gore. S'il y a un seul petit problème, c'est que là, je l'avais pas revu de sa sortie, depuis sa sortie. Puis c'est moi qui t'avais dit à un moment donné, t'as-tu vu Sweeney Todd? J'étais quasiment insulté que toi, fan de comédie musicale, t'avais pas vu ça. Puis je comprends que le côté Tim Burton, ça rebute beaucoup de gens. Mais voyons donc. Puis en le réécoutant, là, la première fois depuis sa sortie, il est arrivé quelque chose qui m'est arrivé aussi très récemment avec la récente sortie de Nightbreed de Clive Barker. Vous vous rappelez, là, j'étais fou comme de la merde quand Nightbreed est arrivé, j'étais super content, j'ai écouté ça, puis j'ai eu un sale fuck, qui est la même chose avec Sweeney Todd, c'est que plus capable de Danny Elfman, plus capable de sa musique, je veux plus rien savoir. J'ai trop entendu Danny Elfman, il fait toujours la même fucking affaire. C'est pas bon. la musique de Sweeney Todd, elle me tombe ses nerfs. C'est pas bon. Les tunes sont lentes, sont longues, sont dramatiques, je peux comprendre. C'est sûrement du très haut calibre, mais ça reste du Danny Elfman que j'entends depuis des années. J'ai déjà été un grand fan de Danny Elfman. Je suis encore un grand fan de Oingo Boingo. Mais dans ses scores, non, c'est fini, ça marche plus. Ça a presque scrappé mon Nightbreed. Puis en réécoutant Sweeney Todd, je voulais rien savoir. Puis c'est plate, parce que c'est un musical, c'est un bon film. Selon moi, c'est un très très très bon film. Mais la musique m'emmerde. Je disais tantôt, on parlait de Phantom, que je pourrais écouter ça dans mes tout le temps, là, tu sais, en allant travailler. Je suis très près sur cette trame-là. Sweeney Todd, oublie ça, là. Il n'y a aucun moment dans ma vie où que je vais entendre ça, tu sais, que je vais pas avoir le goût de m'ouvrir les veines. C'est ça. Fait que, tu sais, quand la musique d'un musical te plaît pas, c'est majeur. Mais ça reste, tu sais, ça reste un bon film qui est le fun à voir, qui est le fun à regarder, mais c'est ça. Toi, Jean-François, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était la première fois. OK, ben je vais te corriger tout de suite parce que je pense que Danny Elfman n'a rien à voir avec ce film-là. Hein? Vu que c'est toute la musique de Steven Sondheim, je pense pas que... J'essaie de fouiller ça pendant que tu le disais, j'essaie de fouiller sur Wikipédia. Il a pas été impliqué là-dedans, si je me trompe pas, parce que... À moins qu'il ait enregistré musique comme chef d'orchestre, mais... C'est pas lui qui a composé. Ben, vois-tu, c'est parce que moi, j'ai associé, comme tout le monde, j'ai associé Tim Burton avec Danny Elfman, vois-tu? Ouais. Ben, en tout cas. Ben, je comprends. Si tu savais pas que c'était une comédie musicale qui existait déjà, tu le savais pas, tu sais. Mais c'est une adaptation, dans le fond, de... Donc, c'est les musiques d'époque. Oui, oui, c'est ça. Ça a été écrit en 79 par Steven Sondheim. Ah, oh, ben, ça explique bien les choses. Qui est un compositeur de comédie musicale, tu sais. Bon, vois-tu, je viens d'avoir l'air. Lui, il a un style très particulier. C'est vraiment un style, là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il n'y a pas de milieu, je pense. Là. Steven Sondheim, il a commencé, lui, comme parolier. Moi, je l'ai connu surtout, je le connais surtout comme parolier de West Side Story. C'est lui qui a écrit les paroles là, des chansons de West Side Story des années 50. À ce moment-là, il composait pas de musique, puis plus tard, dans les années 60 ou 70, il a commencé à écrire ses propres pièces puis, en tant que compositeur. Mais il a un style très, très particulier avec sa musique. Moi, je connaissais surtout une pièce des années 80 qui s'appelle Sunday in the Park with George, qui est l'histoire du peintre Georges Seurat. Puis Georges Seurat, juste faire une histoire rapide, là, c'est un gars qui avait inventé le pointillisme, puis ses peintures, il faisait des petits points de couleurs, puis quand tu regardais de loin, tu voyais les couleurs se mélanger, puis tout ça. Puis la musique de Steven Sondheim faisait un peu écho à ça, dans le sens que sa musique était très... C'est des notes de piano très pointilleuses, je peux dire tum tum tum tum tum comme ça, puis les paroles, c'est très comme ça aussi. Ça a influencé plein de monde, ça a influencé la musique de la comédie musicale Rent et des trucs comme ça, en tout cas, peu importe. Mais Steven Sondheim a fait aussi la comédie musicale Into the Woods, qui vient d'être adaptée au cinéma dans les derniers mois avec Meryl Streep et Anna Kendrick. C'est lui qui a écrit toutes les paroles, la musique aussi. Fait que c'est ça, il a fait Sweeney Todd dans les années 70. Tim Burton a vu ça, des années 70. Il voulait l'adapter des années 80, ça n'a jamais abouti, tout ça. Il avait même commencé à collaborer avec lui, avec Stephen Sondheim, ça n'a pas abouti. Là, ce que j'ai lu hier, puis moi, comme j'ai dit tantôt, j'étais pas vraiment intéressé en 2007 de le voir, le film, puis tout. Puis jusqu'à hier encore, hier soir, j'étais hésitant à le voir, puis j'ai vraiment attendu à la dernière minute qu'on fasse l'épisode pour le voir. Puis hier, je lisais un petit peu avant de voir le film, puis là, je disais cet historique-là de comment est-ce que Tim Burton en est venu à le faire. Puis là, il y a un élément en particulier qui a fait que j'ai vraiment voulu le voir. C'est ça, c'est que dans les années 2000, c'est Sam Mendes qui s'est mis à vouloir faire le film à un moment donné. Fait qu'il a commencé à travailler avec Steven Sondheim, puis le scénariste qui travaille tout le temps avec Sam Mendes, qui est John Logan, qui a écrit les derniers James Bond, qui a écrit je sais plus lequel, en tout cas, peu importe. Puis il a commencé à travailler avec lui, puis ça. Puis à un moment donné, Sam Mendes, il a débarqué du projet, puis le Tim Burton a rembarqué, puis le scénariste John Logan y est resté. Mais moi, c'est quand j'ai vu le nom de John Logan, j'ai fait « Oh, là, ça m'intéresse », parce que John Logan, c'est le scénariste et le créateur de la série Penny Dreadful. Oh! Je me suis dit, OK, là, si ça a un peu ce ton-là, le film, là, ça m'intéresse. Je sais que c'est une adaptation de quelque chose qui existe déjà, mais si ça a un peu la touche John Logan, là, ça m'intéresse. Puis j'ai été vraiment agréablement surpris en voyant le film. Je m'attendais pas à aimer ça, puis des petits bouts que je trouvais longs, je l'ai vraiment... Tu sais, je l'ai commencé à 11h30 hier soir, puis je suis pas... Depuis quelques années, je me couche plus bien tard. Fait que, tu sais, 11h30, c'était tard. Puis je l'ai commencé, je l'ai écouté par petits bouts, là, une petite tranche de 20 minutes. Mais des fois, je prenais des breaks pour me réveiller, là. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai été vraiment surpris. Mais je dois dire que moi, le style de Tim Burton, tu parlais du côté visuel. Puis oui, il y a des belles choses. Mais déjà, en partant, son générique, j'ai l'impression de regarder un jeu vidéo. Puis tout de suite, ça me fait décrocher. C'est comme... J'ai vraiment de la misère. Puis moi, les couleurs, t'es toutes bleutées, grises, tout ça, de l'époque, le 2007. On dirait que tous les films des années 2000, au début des années 2000, avaient toutes ces couleurs-là, puis ça me gossait, là, puis fallait tout le temps qu'ils recolorent tous les films. Puis moi, j'aime les films qui ont des couleurs naturelles, là, puis ça, c'est comme tout trop... trop travaillé. Il n'y a rien de naturel dans ça, c'est clair. Vraiment rien, là. Mais j'ai adoré voir Londres. Tu sais, comme je l'ai déjà mentionné, j'étais allé il y a une couple d'années, puis juste de voir de voir la ville, ça me plaît à chaque fois. Puis, mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé Johnny Depp, quoique dans l'ensemble, son personnage, il fait juste broyer du noir tout le long, puis il est un petit peu plate, mais sa performance est bonne, je trouve. Même sa performance vocale, c'est pas un grand chanteur, mais son ton de voix me plut, c'est certaines choses qu'il faisait avec sa voix me plaisaient beaucoup. Je trouvais que ça fitait avec le personnage, je trouvais pas ça déplacé du tout, ben déplaisant. Contrairement, mettons, à celui qui fait Javert dans Les Misérables. Tu ne demandes pas à la bonne personne, je m'excuse. Non, je sais, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, dans la plupart des gens, dans l'adaptation des Misérables, était mauvais. Là, celui-là en particulier, merde, il est super connu. Anyway, c'est ça, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a Sacha Baron Cohen dans le film aussi, j'ai oublié de le mentionner. C'est un acteur que moi, j'aime pas particulièrement. Son personnage, là, m'a pas dérangé non plus. Il est un peu cabotin, mais en même temps, pas trop non plus. J'ai jamais vu Borat, j'ai jamais vu la plupart de ses films, ça m'intéresse pas. T'sais, c'est un gars que j'aime vraiment pas. Même dans Les Misérables, j'avais pas aimé son personnage de Thénardier. Il y a d'autres versions de ce personnage-là qui sont pas mal plus intéressantes que lui. Mais là-dedans, il m'a plu. J'étais déçu qu'à un moment donné, pendant 2 secondes, on a vu l'acteur Anthony Stewart Head, l'acteur principal de Repo, mais il n'y a pas une seule seconde où ce qu'il chante dans ce film-là, puis je me dis, what the fuck, esti? Ils ont le meilleur chanteur de distribution, il est là, puis ils s'en servent pas. J'ai pensé à la même chose que toi. Ça, par exemple, c'est vraiment choquant, parce que c'est cette voix-là, wow. Esti. Mais c'est ça. Mais les jeunes acteurs sont bons là-dedans. Il y a un petit garçon qui est bon chanteur aussi. T'as le jeune couple dans vingtaine, sont très bons chanteurs aussi. Quoique les personnages sont un peu plates, là, tu sais, mais sinon. Moi, je regardais beaucoup j'évaluais beaucoup le chant puis tout ça. Puis Helena Bonham Carter me plu beaucoup. C'est pas une actrice que j'aime tant que ça, puis surtout que depuis qu'elle est avec Tim Burton, depuis plusieurs années, là, elle l'est plus parce qu'ils viennent de divorcer, je pense, mais dans les dernières semaines, mais c'est ça, de toute sa collaboration avec lui, je trouve qu'elle fait juste la weirdo pour faire la weirdo, mais là-dedans, je trouve que ça fit, puis elle est cute, puis elle a une petite passe dans le film où elle a une séquence de rêve où elle s'imagine avec Sweeney Todd sur la plage, une petite vie romantique, un peu comme dans la scène de rêve dans Little Shop of Horror, tu sais. Puis parce que la fille rêve d'une autre vie, tu sais. Mais ça, ça, je la trouve cute là-dedans. Je la trouve vraiment sympathique malgré qu'elle a encore son petit côté weirdo avec son beaucoup trop de mascara puis de trucs. En tout cas, le style de Tim Burton, le style de maquillage. Là. Alan Rickman, tu sais, ça sera toujours pour moi le méchant de Die Hard, mais là-dedans, il est très bon aussi. Là, tu sais, il fait un très très bon juge Turpin, Turpin. Puis j'aime son duo maintenant avec son premier duo avec Johnny Depp quand il vient s'asseoir la première fois dans sa chaise puis qu'ils chantent tous les deux puis tu sais pas s'il va y couper la gorge ou pas là, tu sais, puis il y a vraiment quelque chose de touchant puis de beau dans cette scène là puis les deux chantent pour la même fille puis en tout cas c'est intéressant puis qu'est-ce que tu penses du gore, tu sais, c'est assez gore comme film. Tu penses-tu que c'est ça passe bien, tu sais, oui? Oui, mais ça a 100% rapport avec qu'est-ce que t'aimes pas, justement l'esthétique est complètement désaturée du film et le gros sang rouge que tu vois au travers de En même temps, le gros sang rouge me fait penser à du sang de Mario Bava. Oui, ben oui, tout à fait. Du sang de cette époque-là. Oh, oui, rouge orangé là. Oh, oui, tout ouais. À fait. Puis oui, c'est quelque chose que j'ai adoré. La réaction que le personnage a avec ses rasoirs, c'est complètement fou là. Là où ça termine, écoute, le simple principe de la fournaise, du gros meat grinder et tout, c'est foutrement dégueulasse, juste l'idée même de la chose. Ça, j'adorais ça. T'avais-tu vu venir le genre de petit twist à la fin, l'identité d'une certaine personne qui a été révélée? Moi, je me suis laissé surprendre par ça. Ben, je l'ai... Comment je pourrais dire, tu sais, je l'ai vu venir dans les derniers instants, là, ou quand on est sur le bord de se le faire révéler, là, si tu veux. Mais sinon, non, ça m'a. Quand la personne dit, où c'est que je vous ai déjà vu, tu sais. Exactement, c'est ça. Mais c'est quand même très bon. Mais maudit que tu me déçois pas, mais pas pantoute. Je suis content que t'aies aimé le film, mais c'était une bonne tape sur la gueule que j'ai blâmé Danny Elfman puis qu'il n'y a fucking rien à voir dans ça. Mais c'est vraiment parce que. Mais quand je te dis, il y a peut-être. C'était peut-être le chef d'orchestre, mais c'est pas le compositeur, ça c'est clair et certain. Ben, c'est juste que, écoute, c'est un moment donné, Sébastien Bouchard, notre collègue, m'avait refilé une vidéo, une parodie de Tim Burton, qui avait été faite par... Il m'a l'envoyé aussi. Fait que t'as vu que son test... La, pom, pom, pom, pom. Exactement ça. Puis, avoue que c'est du genre... Là, moi, je me sens vraiment con d'avoir dit que c'est du Danny Elfman que j'entends depuis des années, mais c'est probablement à cause de mon Nightbreed. Lui, je sais que c'est Danny Elfman qui a fait Nightbreed, là. Vas-y, pas là-dessus, s'il te plaît, parce que je vais vraiment mal dormir. Mais c'est que la musique... Il y a des bonnes chansons. Tu parlais tantôt du duo entre le juge et le personnage de John Depp. C'est vrai que c'est super bon. Il y a... Ben, toutes les scènes du juge, c'est super bon. Oui. Mais quand c'est les. J'aime quand beaucoup c'est... la. Oui, j'allais dire, j'aime beaucoup la chanson quand Johnny Depp et Helena Bonham Carter sont en train de décider que finalement ils vont avoir plein de clients chez eux, puis elle va s'en servir pour son commerce. Là, ils regardent par Life Night, tout ça. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette chanson-là. Ouais, mais écoute, le pire turn-off, moi, c'est vraiment les deux jeunes. C'est la chanson d'amour entre les deux tourtereaux qui est quasiment l'histoire centrale de ce film-là, mais qui devient secondaire par rapport au personnage, si on veut. Eux autres, ça me purge. Disais que la pièce durait 3 heures, puis qu'ils ont coupé surtout dans cette histoire-là. Ouais, ben ça paraît, puis c'est correct en même temps, parce que c'est les moins intéressants, mais ça reste quand même le gros cœur de cette histoire-là, fait que je trouve ça curieux. Mais c'est ça, c'est ces deux-là qui m'ont emmerdé. La chanson, je suis pas capable. Mais tu sais, c'est pas... En tout cas, c'est ça. Vraiment, ne me déplaît pas, puis c'est comme je disais, il y a une version filmée en 82 avec Angela Lansbury, c'est elle qui a été la première à jouer dans la pièce en 79. Puis c'est en 82, ils ont filmé, puis ça existe sur DVD, cette affaire-là, fait que je serais curieux de le voir pour entendre la musique, puis voir ça dans un sans toute l'esthétique de Tim Burton. Mm-hmm. Ouais, clairement. Mais c'est ça, quelqu'un qui est pas fan de musical, tu sais, l'esthétique de Tim Burton est la seule chose à laquelle s'accrocher, tu sais, quand t'es pas fan de musical. Dans ce film-là, la seule chose à laquelle tu t'accroches, si t'es pas fan de musical, ben, t'es fan, tu vas t'accrocher au style visuel, tu sais. Ben, comme que je dis, moi, c'est la meilleure chose que ce film-là a fait pour moi, c'est qu'il m'a ouvert les yeux sur justement le fait que un musical peut être bon. Tu sais, comme je te dis, j'en connaissais pas des bons avant ça. Fait que ça m'a ouvert, c'est ce qui m'a lancé sur Phantom, c'est ce qui m'a lancé sur Repo, c'est ce qui m'a lancé sur ces trucs-là. Donc, j'ai failli dire sur Poltergeist, mais c'est un débat savoir si c'est un musical ouais. ou pas avec l'émission qu'on a faite avec Paulus. Mais tout ça pour dire que, au mais moins. Il n'y en a pas assez. Ils ne se font pas confiance. Je suis d'accord. La promotion de ce film-là a eu un gros backlash aussi, justement, parce que, d'après ce que je disais sur Wikipédia, je ne me rappelle plus, là, mais il paraît que dans aucun des trailers, jamais ils disaient que c'était une comédie musicale, puis ça lui a beaucoup nuit parce que les gens sortaient de la salle après 5 minutes quand ils se rendaient compte que le monde chantait. Ça, c'est... En tout cas, je peux pas juger dans la mesure que j'ai l'impression d'avoir déjà été comme ça. Mais tu passes à côté. Mais je juge pas le monde. Je juge ceux qui ont fait de la promotion. Tu sais, oh, pas le dire, c'est une comédie musicale. Oui, tout à fait. De pas se faire confiance. T'sais. Ah, mais ça, écoute, c'est l'histoire que Darren Bosman nous raconte avec son Repo, avec son Devil's Carnival. C'est que lui, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire ses films qu'il aime tant, il a fallu qu'il a tout fait lui-même. Là. Il a pas eu de studio majeur en arrière de lui. Sa promotion, il l'a fait lui-même. C'est ce gars-là, il travaille en tabarnak pour ses films, pour qu'on les voit aujourd'hui. Puis on s'entend que, oui, dans le milieu de l'horreur, Repo, il y a une notoriété, entre gros guillemets, radiophonique. Mais regarde Devil's Carnival, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça. Là, tu m'as appris. Tu m'as pas appris qu'il y avait un 2, mais tu m'as rappelé que le 2 s'en venait parce que je suis Bosman sur Facebook. Sinon, tu sais, c'est nébuleux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Puis c'est, mais c'est je parle, dommage. Je m'excuse, j'ai pas été clair. Je parlais de la promotion de Sweeney Todd. Oh, les trailers, tout ça. Il n'y a personne qui disait que c'était une comédie musicale. Oui, oui, ben c'est ça. C'est là où je veux en venir. C'est que lui, pour que ça marche, il faut qu'il fasse tout lui-même pour. Parce qu'il n'y aura jamais l'aide d'un studio pour faire la promotion de musical, parce que musical, probablement que ça vend pas autant de tickets que, ça vend pas de tickets, tout simplement. Mais ça vend pas de tickets, tu l'as dit toi-même, tout ça t'attirait pas, tu sais, pis t'es pas tout seul, là. Oh, c'est une grosse partie de la population, surtout la population masculine, tu sais, que ça, je rentrais pas là-dedans, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, tu sais, pis, c'est surtout les hommes qui s'intéressent pas à ça, pis, je comprends, là, tu sais, en même temps, mais, ils font pas confiance à, s'ils l'avaient dit, tu sais, il y a peut-être du monde qui aurait été curieux, pis, Ben, aujourd'hui, je peux dire franchement que c'est grâce à Sweeney Todd que je m'affiche comme étant un amateur de musical. Mais la mélodie du bonheur, mais en même temps, tu n'iras pas voir de Sound of Music, c'est ça. Non. Mais il y en a d'autres que je suis capable, tu sais, je veux dire. Écoute, c'est tout nouveau pour moi d'écouter autre chose que de l'horreur, là, tu sais. Non, ouais. J'ai comme une vague, là, une petite côte d'apprentissage, là, tranquillement, pas vite, là. J'étais en train de terminer mes films des Oscars, là. Okay. Si Steven était là, il dirait « Écoute The Red Shoes ». Je veux voir The Red Shoes. D'ailleurs, hey, j'ai vu une référence tantôt avec The Red Shoes. Où c'est que j'ai vu ça? C'était par rapport avec l'autre film, avec Phantom of the Paradise. Attends un petit peu que je retrouve ça et ça. J'ai vu qu'il y avait un lien avec The Red Shoes, je me rappelle pas en tout c'est quoi, donc... en tout cas, je retrouverai peut-être bien tantôt. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, faut que je dise ça. » Puis, ben, ce que je disais tantôt au début sur... pendant que tu cherches, je vais parler. Ce que je disais tantôt, que le scénariste de Sweeney Todd, c'est John Logan. Je peux pas dire que j'ai vu tant de parallèles que ça avec son écriture de Penny Dreadful, vu que c'est une adaptation. C'est sûr que ça a pas la subtilité des dialogues de Penny Dreadful ou quelque chose du genre, mais le style est pas mal semblable, veux pas. C'était dans la même période, puis c'est dans le même lieu, c'est Londres, tout ça, fait que ça garde le même genre. Mais je pense qu'il fait une meilleure job dans Penny Dreadful au niveau du scénario, là. Ce qui arrive avec Sweeney Todd, c'est que c'est extrêmement simple aussi comme histoire, un peu comme Phantom of the Paradise, c'est très très simple. T'as un méchant très clair, t'as une histoire très très définie où ce que le protagoniste veut retrouver sa fille dans le fond, puis sa femme, il pleure sa femme, tout ça. En même temps, je dis que c'est simple, mais c'est pas simple parce qu'on est du côté du méchant dans le film, tu sais. Puis c'est un film de Charles Bronson. C'est quoi? C'est comme un revenge movie avec Charles Bronson. Ouais. Puis c'est ça, mais en même temps, c'est... Ouais, exactement, tu sais. C'est Death Wish. Death Wish dans le long Victorien. Mais c'est... En même temps, c'est qui est méchant là-dedans, tu sais? C'est-tu Johnny Depp? C'est-tu Alan Rickman? Ils sont tous... C'est pas clair. Ils sont tous ouais, à tout la fin. Hey, j'ai retrouvé la référence que je parlais, puis il y a juste toi qui vas pouvoir me dire si c'est vrai. Mais selon Wikipédia, la scène où Swan regarde les auditions derrière un miroir est directement inspirée du film The Red Shoes de Michael Powell. Et justement, les auditions où cette actrice, que j'ai déjà oublié le nom, dur à dire. Comment est-ce que ça s'appelle? Merde, tu l'as dit tantôt. En tout cas, tout ça pour dire. Sous de la langue. Il y a Winslow, il y a Swan. Qu'est-ce que ça s'appelle, là? Le théâtre, c'est le Paradise. C'est tous des mots. Phoenix. Ah, oh, merde. Phoenix. C'est ça. C'est à quel moment qu'il regarderait? En tout cas, je commencerai pas à. Je prendrai pas trop de temps à chercher, mais. Bon, en tout cas, c'est, hein, c'est Wiki. Peut-être, oui, c'est très possible, oui. C'est parce que Wiki, il y a une espèce de grosse section sur qu'est-ce qui a été inspiré de quoi, là, mais. Ça reste oui, mais c'est très, très, très possible. Ça reste toujours Wiki. Sûrement que les nerds qui écrivent ça Wiki savent mieux que moi. C'est possible. Fait que, ben, je pense qu'on hein, on a fait le tour. Moi, je n'en reviens pas. J'ai blâmé Danny Hoffman. Il va falloir que j'ai envoyé une lettre d'excuse. Mais c'est correct. Tu n'as pas à te sentir mal parce que trois quarts du monde, peut-être, le savent même pas non plus. Ils n'ont pas vu que c'est marqué Music and Lyrics de Steven Sondheim. Puis, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est si connu que ça non plus du grand public, là, tu sais. Comme je dis, je te parle de Into the Woods. Ça n'a pas été un gros succès non plus. Ça a sorti au mois de décembre, puis ça a été aux. Même, je pense que ça a été nominé aux Oscars peut-être pour Meryl Streep, je suis pas sûr, mais sinon personne n'a entendu parler de ce film-là, tu sais, ou presque. Mais c'est une adaptation encore de lui, là, tu sais. Oh. Mais quand même, Nightbreed c'est meilleur sans lui. Non, c'est j'ai réalisé en écoutant Nightbreed que je suis plus capable de Danny Hoffman. Moi, ouais, la soundtrack que j'aimais le plus de Danny Elfman, c'était Scrooge, Fantôme en fête. Ah. Mais c'est vraiment ça, c'est la la la la la la. Oui, mais on dirait que. Ah. Tu sais, il y a certains moments que ça s'applique. Non, je peux pas dire ça, c'est juste que je l'ai trop entendu. Son type de trame sonore, je l'ai trop entendu. Oui. Adam's Family, c'était lui aussi, je pense. Ah, oh, classe. Ça, c'est très possible. C'est très, la très la bouche, car. Ouais, c'est ça. Non, ça va vieillir, ça a fait son temps. Ouais, disons ça. On va quitter à l'époque, mais ça, ouais. Est-ce qu'on quitte en musique? Ben oui, il faut meubler ça, ce show-là, on est juste deux. Encore une fois, je sais pas quelle tune, à moins que tu aies une suggestion. Tu veux te mettre une tune de son groupe? Je connais pas sa musique. Une tune de Danny Elfman? Ouais. Ungo Bongo, comment t'appelles ça? Ungo Bongo, tu connais pas ça? Ah ben ça m'a fait plaisir de te le faire écouter. C'est bien meilleur que tout ce qu'il aura jamais fait dans des films. On va l'écouter, je sais pas quoi parce que là, c'est trop de pression. On va l'écouter du Ungo Bongo. Puis on revient pour la conclusion. Johnny was bad even as a child. Et nous voilà pour la conclusion de cet épisode numéro 45. Épisode musical, c'était tranquille, hein, juste à deux, mais c'était le fun. Moi, écoute, ça me rappelle les premiers shows, je pense les 10-12 premiers shows, avant que Sébastien arrive dans l'Horror Gamer Show, on était juste deux, on était dans ma cave. Comment? Puis qui gâche tout. Je voulais pas le dire, mais je l'ai pensé, crée-moi. C'est là qu'on va savoir si Sébastien a écouté le show puis s'il va l'avoir écouté jusqu'à la fin parce qu'il va nous revenir avec ça. On verra bien. Ouais. Tout ça pour dire que ben, c'était bien plaisant. Je suis un peu déçu. J'aimerais ça avoir l'opinion de bien des gens sur ces films-là. Mais on leur demandera par après parce que bon. Puis on va se reprendre. On va se reprendre avec un 2.0. Oui, oui. La prochaine fois, on les enferme dans ton sous-sol puis on les attache puis on les oblige à l'épisode. C'est tout le temps dans mon sous-sol. C'est moi le creepy, fait que c'est tout le temps dans mon sous-sol qu'il y a des cadavres. C'est pas chez Seb, c'est pas chez Vicky. Non, c'est chez nous, c'est moi, c'est certain. Mais c'est vrai, mon congélateur il est immense, fait qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ceci dit, avant de partir, je veux juste redonner encore un shout-out à l'ami Stéphane Poulin, parce que si tu sais pas à quel point t'as sauvé l'Horror Gamer Show. Merci mille fois de la part de toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. Et les auditeurs silencieux. Tiens, faut que je raconte une petite anecdote. On a des auditeurs silencieux. Tu sais, ceux qui sont pas sur Facebook, qui nous parlent pas sur Twitter, ils n'envoient pas d'emails, mais qui écoutent toutes les shows depuis le début. Il y en a beaucoup de ça, puis je les comprends, ce monde-là, parce que je suis un auditeur de podcast, et puis 98% de ce que j'écoute, je suis pas sur leur Facebook, je commente pas, je les écoute. Puis toi, tu fais pas partie de cette culture du like, là, même que ça me gosse un petit peu, tu sais. Parce qu'on n'en a pas encore parlé cet épisode-là, il y a notre ami Sylvain Démenti et ses vidéos qui, je l'écoute toutes les fois qu'il en sort un, puis au début, je me sentais obligé de mettre un like, puis de commenter, puis... Mais Sylvain, il sait que j'aime ce qu'il fait, puis tu sais, j'ai pas besoin... C'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste que je fais pas partie de ce minding-là, fait que tu sais, pas de like, pas tout, je m'en fous, hein. Écoute-moi, puis si on se croise, tu me paieras une bière, ou on serre la main, on va être bien heureux. J'ai rencontré un de nos auditeurs comme ça sur le PlayStation Network, en jouant à un jeu qui s'appelle Evolve. Je le nommerai pas, parce que, justement, si c'est un auditeur... inconnu va rester inconnu, mais il doit probablement se reconnaître, et je te salue à toi et tous ceux comme toi, je vous en veux pas. Continuez de nous écouter, moi je vois quand même les chiffres de download, puis ça me suffit, puis ouais, c'est ça, on a beaucoup de fun à jouer à Evolve. Ouais, c'est ça, on vous aime tous, auditeurs, on aime ça bien sans entendre vos commentaires, mais c'est ça. C'était bien long pour dire pas grand chose tout ça. Côté bras de fer, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes actif, quelque chose de rare? Ouais, ben on est parti sur un bon rythme, là. On fait ça quasiment toutes les semaines. Bras de fer des films.com, notre podcast à moi et Steven. Dernier épisode est sorti hier, en fait. C'est Zatoichi de 2003, puis Les Trois Amigos de 1986. Puis c'est ça, on a un épisode C'est comme je dis à toutes les semaines. Fait que si ça vous tente de suivre ça, comme je l'ai dit souvent, on compare des classiques à des navets qui sont pas nécessairement dans l'horreur, dans d'autres genres. Fait que on avait du fun avec ça. Moi, je tiens à recorriger parce que tu m'as corrigé tantôt puis j'ai eu l'air con. À corriger une erreur que vous avez faite dans l'épisode des Beatles et des Spice Girls. Et en réalité, c'est pas une vraie erreur, c'est juste que vous avez dit que j'aimais pas les Beatles. Et c'est faux. Je tiens à dire que j'aime le dernier tiers de la carrière des Beatles. J'adore. C'est tout. Okay. C'était plate, mais c'était comme ça. J'ai essayé de me rattraper un peu puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, la chaîne Twitch d'Horror Gamer, j'en ai déjà parlé que je voulais commencer à twitcher des jeux vidéo d'horreur. Et là, avec toute la merde que j'avais avec le site, je voyais pas l'idée de commencer ça puis de faire de promo de ça qui s'en irait nulle part, donc j'ai rien commencé. Maintenant que le site marche, merci encore Stéphane Poulin, je vais lancer ça là, probablement dans les prochains jours, je vais commencer ça. Fait que venez voir ça, venez me... Cliquez sur le petit piton follow, là, question d'avoir des notifications toutes les fois que je commence. On va avoir bien du fun. J'ai déjà fait des tests avec Steven, d'ailleurs, qui pourrait commenter d'un jeu vraiment weird. On a très, très, très ri, malgré le fait qu'on était juste deux. Puis c'est ça que je vais commencer très prochainement. Donc, venez voir ça. Ceci dit, prochain show, on fait-tu un tour de table? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour de table. Moi, je pense que oui. Faudrait faire un tour de table, puis faudrait le faire live à part ça. Il me semble que ça serait cool. Je pense que tout le monde devrait avoir une liste incroyable de films qu'ils ont vus là, depuis la dernière fois. Là. Clairement, on n'en a pas fait depuis les fêtes, donc c'est sûr qu'il va falloir faire un tri là-dedans. Mais oui, moi je dis prochain show, on fait un tour de table, on le fait live, puis on va le faire live sur ma chaîne Twitch. J'ai déjà tout patenté à l'affaire, là. Ça va être vraiment cool. Puis le gros avantage du Twitch par rapport au YouTube des dernières fois, c'est qu'on va avoir un chat en direct qui va être beaucoup plus facile à suivre, puis beaucoup plus... Ça va être beaucoup plus cool, là. Ça va bien aller, puis on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, on vous tient au courant quand est-ce que ça va se passer. Puis c'est pas mal ça. J'ai-tu autre chose à dire? Ah, à tous les autres membres de l'Horror Gamer Show, vous êtes plates. c'est pas vrai, je suis responsable en partie. Là. Même moi, j'ai remis le show une couple de fois. Là, on dit, Steven, t'es supposé être là, finalement, il est malade. Puis écoute, ça a juste pas bien à donner. Là. C'est pas de la faute à personne. Même moi, j'ai essayé de m'en sortir un peu. J'avais pas vraiment envie d'écouter Squinetta, tu sais. Ah, mais finalement, ça, tu t'en es bien tiré, t'as apprécié. C'est une bonne chose. Ben oui. Bon, vois-tu. Il y a juste moi qui a ragé contre Danny Hoffman pis qui avait fucking rien à voir dans ça. Fait que ceci dit, ben écoute, on va venir ça en beauté en disant, ben, jusqu'à la prochaine fois, gardez ça horreur. Ciao. Bye.